إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إن شاء الله. donc c'est votre frère pour Allah Abu Idriss. Je ne suis pas un étudiant en sciences religieuses. On va dire que je suis plutôt, Inch'Allah, ce que j'appellerais un écouteur, un lecteur et puis un transmetteur. C'est-à-dire qu'Alhamdoulilah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'apprentissage est une obligation pour tout musulman. Et donc, tout musulman aussi. Donc, j'essaie d'apprendre ma religion, alhamdoulilah, et donc, j'écoute des durus, en langue arabe en général, je lis des livres. Inch'Allah, ici, Inch'Allah, je transmets ce qu'Allah Azzawajal m'a permis, donc, d'apprendre. Et Inch'Allah, donc, on va faire ensemble une série de cours sur l'Iman. Et cette série de cours, elle sera tirée principalement d'un livre de Cheikh Abdurrahman Saadi, Rahimahullah, Sih wal-Bayan li Shajarat al-Iman. Ce livre existe en français, il s'appelle L'Arbre de la Foi, en français, dans lequel le Cheikh Rahimahullah, il a expliqué l'Iman. Donc, comment on va faire, Inch'Allah? Il y a un autre cheikh qui s'appelle Abdullah ibn Abdurrahman al-Jarbou' qui a fait l'explication de ce livre sur à peu près 16 ou 17 cassettes, chacune de 1h30. Son charh, il est disponible sur Islamway, donc ça fait à peu près 20 heures. Et j'ai écouté ce charh à plusieurs reprises. J'ai pris des notes, alhamdoulilah. Et je faisais déjà ce charh avec des frères dans des mosquées, dans différents endroits. Donc, inchallah, ça, ce sera le principal support. Auquel on ajoutera, Inch'Allah, d'autres supports sur des thèmes qu'on estime importants par rapport à l'époque où on vit. Donc ça, après, tout ce qu'on dira, Inch'Allah, ce sera appuyé par des preuves du Coran, de la Sunna, des paroles des compagnons ou des paroles des salafs. Donc on remercie toute personne qui nous montre nos erreurs. Non seulement on l'accepte, mais on remercie toute personne qui nous montre nos erreurs. Par contre, avec preuve. Donc Inch'Allah, si on se trompe et que vous nous montrez avec preuve qu'on se trompe, Inch'Allah, on revient et on remercie même la personne. Je demande à Allah Azzawajal avec ses plus beaux noms. Je lui demande de faire de ce charh une œuvre bénéfique pour moi et pour vous dans les deux vies. Allahumma as'aluka bi asma'ika al-husna wa sifna ila ilant. Allahumma as'aluka al-ikhlasa. Allahumma as'aluka al-ikhlasa fil aqwal wal a'mal. Allahumma ja'al ada al-amal al-mutawadi'. Allahumma ja'alu khalisan li wajhik. Allahumma hdi bi kathiran. Allahumma hdi bi kathiran ya Rabb. Allahumma hdi bi kathiran ya Rabb. Autre chose, autre chose, donc puisque j'ai invité plusieurs personnes qui ne connaissaient pas Paltalk, donc je pense qu'il doit en avoir parmi vous. Et je voulais mettre en garde contre Paltalk de manière générale. Pour moi, Paltalk, c'est comme le khamr, c'est comme l'alcool, même pire. Allah Azzawajal, il a dit que dans l'alcool, il y avait des avantages, quelques avantages pour les gens, mais que le bien, que le mal était plus important. C'est ainsi que je vois Paltalk. À part qu'il est pire que l'alcool. Dans Paltalk, que de bien. Mais alhamdoulillah, il y a du bien. Donc on demande à Allah Azzawajal par ses plus beaux noms qu'il fasse que ce soit un bien pour nous. Une preuve pour nous et pas une preuve contre nous. À savoir que les dangers dans Paltalk, les principaux dangers, c'est l'égarement qu'il se trouve dans différentes rooms. Et ceci n'est pas le sujet. Pourquoi? En faisant le sharh du livre, on aura une base correcte qui nous permettra, une fois qu'on a connu la vérité, de savoir qui n'est pas sur la vérité. Et beaucoup de personnes ne commencent pas. Beaucoup de personnes commencent à savoir qui est égaré, et en vérité, après, ils n'apprennent jamais. Donc, les principaux dangers de Paltalk, c'est les égarements qui peuvent s'y trouver. Quant aux autres dangers, c'est les tentations qu'ils peuvent avoir, notamment les discussions entre frères et sœurs en privé ou ces choses-là. Inch'Allah, on demande à Dieu qu'il nous protège et qu'on ne fasse pas de péché, Inch'Allah. Donc ceci dit, les personnes qui sont venues, Inch'Allah, ici j'ai passé mon message, les personnes qui sont venues sur Paltalk, par ma cause, Allah Azzawajal, il est témoin que je les ai conviés pour le bien. Et je me désavoue du mal qui peut être fait. Je me désavoue du mal qui peut être fait. Donc, Inch'Allah, le livre, je vous ai dit, c'est l'arbre de la foi. On va faire une présentation, Inch'Allah, de l'auteur. Et avant de rentrer, Inch'Allah, dans le livre, on va faire un rappel, Inch'Allah, pour nous tous, sur l'importance de la science. On va faire un rappel pour nous tous, Inch'Allah, sur l'importance de la science. Donc, quant au Cheikh Abdurrahman Al-Saadi, Rahimahullah, le Cheikh, il a perdu sa mère, il avait 4 ans, il a perdu son père, il avait 7, à 7 ans, et il a grandi orphelin, et il était très, très intelligent. Il a passé très jeune son temps à avancer vers la science, jusqu'à qu'il ait appris le Coran à l'âge de 11 ans. Et il a commencé à enseigner à l'âge de 23 ans, et il continue après à apprendre et à enseigner. Donc il continue à apprendre et à enseigner. Parmi ses chouyours, parmi ceux de qui il a appris, il y avait le cheikh Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah. Donc le cheikh Saadi, il lisait beaucoup de tafsir notamment, et il a vécu une époque particulière, à savoir que son époque, donc il est né en 1307 de l'Hijra, à Qasim, et il est mort en 1376, donc il a vécu 69 ans, passé dans la science, et il est mort au même endroit. Donc à savoir que, je vous disais qu'il a rencontré, il a vécu une époque où les communistes avaient beaucoup d'ascendants, avaient beaucoup de pouvoir dans de nombreux pays, comme en Égypte, au Yémen, pour ne citer que. Et vous savez que les communistes, leur premier pilier, c'est qu'ils ne croient pas en Dieu, même pas Rububiya, même pas en seigneurie. Ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Donc les communistes essayaient ici d'influencer les musulmans et de mettre des ambiguïtés dans la croyance des musulmans. Et donc le shir, vu l'éloignement des gens de la religion, il s'est appliqué à être simple. Il s'est appliqué à être simple pour faire passer les messages. En cela, l'a suivi le cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, qui lui aussi est connu pour sa simplicité. Donc, Inch'Allah, on va faire un rappel, Inch'Allah, sur l'importance de la science. Et c'est juste quelques rappels, parce que sinon, il faudrait plusieurs cours pour parler juste de la science et de son importance. Ici, bien entendu, on parle de la science religieuse, C'est-à-dire, comme il dit Ibn Hajr, il dit que la science religieuse est la science qui te permet de connaître, qui permet de connaître au mukallaf, donc à la personne qui est responsable religieusement. Donc, la science religieuse est la science qui permet au mukallaf de connaître sa religion, de connaître ses obligations et de connaître Allah aussi. C'est cette science qui a été louée par Allah et son prophète. Parmi les bienfaits de la science religieuse, c'est que c'est le premier pas qui te conduit vers le paradis. C'est le premier pas qui te conduit vers le paradis. Ici, pour vous raconter une anecdote, tout à l'heure, une sœur, quand Allah Azzawajal la protège, elle vient me voir en privé et elle me dit, on a mis en garde contre toi. Est-ce que tu es takfir? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ce à quoi je lui réponds, je lui dis, ma sœur, est-ce que tu en es où dans l'apprentissage de la science? Elle me dit, j'en suis au début. Je lui dis, bah, écoute, je suis le Coran et la Sunna avec la compréhension des compagnons. Mais maintenant, tout le monde prétend être guidé et tout le monde prétend que les autres y sont égarés. Vu que tu m'as dit que tu as peu de science, ça va changer quoi ce que je te dis? Ça va rien changer. Donc le premier pas vers le paradis, c'est quoi? C'est la science. Allah je lui dis dans le Coran, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous dans le chemin droit. Le chemin, ici, comme il dit Cheikh Saadi dans son tafsir, il dit quoi? Guide-nous vers le chemin droit et guide-nous sur le chemin droit. Guide-nous vers le chemin droit, c'est-à-dire montre-nous ce chemin droit. Le chemin droit, il a été défini par plusieurs choses. Parmi les choses avec laquelle il a été défini, c'est que c'est l'islam. Guide-nous vers le chemin droit, c'est-à-dire montre-nous la guidance. La guidance, elle est de deux types. Une guidance qui permet de connaître la vérité, et celle-ci, Allah Azzawajal, il a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'aux savants qui le suivent de la meilleure manière, Allah Azzawajal il dit dans le sens du verset, et certes, Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu guides vers un chemin droit. Quant à l'autre type de guidance, c'est la guidance qui fait que le serviteur, il applique la vérité. Et ici, elle n'appartient qu'à Allah Azzawajal, sans aucun associé. C'est Allah Azzawajal qui guide les cœurs. Alors je lui dis dans ce sens, et certes, Ya Muhammad, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc ici, on était en train d'expliquer Ihdina Sirat al-Mustaqim, donc le chemin droit, qui est l'islam, il a deux choses. La première chose, c'est la science. Et avec la science, tu as fait la moitié du chemin. Avec la science, tu as la moitié du paradis. Quant à la seconde moitié, c'est quoi? C'est l'application de cette science. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal l'a dit à la fin de la Fatiha, quand tu as demandé à Allah de te guider sur le chemin droit, Allah il a dit, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Et après il a dit, Ghayril maghdoubi alayhim wa ad-dallin. Comme il est venu dans le tafsir, al-maghdoubi alayhim, al-maghdoubi alayhim, ce sont les juifs et ceux qui leur ressemblent. Quelles sont leurs principales caractéristiques? C'est qu'ils connaissent la vérité, mais qu'ils ne l'appliquent pas. Quant aux dallin, ce sont les chrétiens, et ceux qui leur ressemblent. Quelles sont leurs principales caractéristiques? C'est que ces gens-là appliquent, adorent Allah avec ignorance, sans connaître la vérité. Donc ils disent que Allah Azzawajal a un fils, Ta'ala uluan amma yaqulun, qu'Allah soit élevé, et Allah est loin de ce qu'ils lui attribuent comme manquement. Donc regardez ici, comme la Fatiha elle est belle. Allah Azzawajal, quand il t'a parlé du chemin droit, il l'a défini. Il a dit le As-Sirat, il est défini par le, et il est défini par le Mustaqim, il est défini par deux choses. Et après Allah Azzawajal, il t'a indiqué quoi? Que ce chemin, c'est le chemin de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits. Comme il dit Ibn al-Qayyim, comme il est dans la fitra des gens, les gens n'aiment pas être seuls. Et ici, Allah Azzawajal, c'est comme si il t'apaise et il te dit. Certes, même si vous êtes les moins nombreux, Tu es avec qui? Tu es avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Comme Allah, je l'ai dit dans un autre verset dans le Coran, ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Donc après, il a dit parmi qui? Parmi les prophètes, parmi les véridiques et parmi les martyrs. Après, Allah a dit, ceux-là sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Donc, toi, quand tu essayes d'aller dans le chemin droit, tu es avec ces gens-là. Et après, Allah, il a dit quoi? Non pas de ceux qui ont couru la colère d'Allah, ni ceux de l'égaré. Regardez, quand il a parlé des juifs et des chrétiens, Allah, il a dit, il a dit non pas. C'est comme si l'un d'entre nous, par exemple, quand il n'aime pas une personne, comment il parle de cette personne? Il dit, en général, on emploie des mots comme un tel ou l'autre. On ne veut pas dire son nom. On dit l'autre, il a fait ça, un tel, il a fait ça. Ici, Allah, tellement ces créatures, elles sont peu importantes aux yeux d'Allah, il a dit quoi? Non pas de ceux, non pas le chemin de ceux qui ont couru la colère d'Allah, ni ceux des égarés. Donc ici, on a demandé la guidance à Allah, et on la demande tous les jours, minimum 17 fois par jour. Et la guidance qu'on demande à Allah Azzawajal, il t'a répondu dans le Coran. Il a dit quoi? Voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Ici, comme il dit Cheikh Saadi dans son tafsir, comme la guidance ne peut t'arriver dans le doute, Allah Azzawajal a nié que ce Coran, donc ce livre c'est le Coran, que ce Coran avait du doute, qu'il y ait des doutes dans ce Coran. S'il a nié le fait qu'il y a des doutes, ça veut dire qu'on affirme le contraire. C'est quoi? C'est que ce Coran, il est parfait en tous sens. Donc ici, Allah Azzawajal, à notre invocation, Hidina Sirat al-Mustaqim, il nous répond dans le deuxième verset de Sourate al-Baqarah en lui disant, c'est un guide pour les pieux. Donc Allah il t'a répondu. Donc maintenant ici, quand on parle de science religieuse, alors la science religieuse, sache qu'elle se trouve dans le Coran. Et que si tu veux la guidance, elle est dans le Coran. Tu ne l'auras jamais ailleurs. Ibn Taymiyyah, il dit, et quand j'ai entendu ça d'Ibn Taymiyyah, j'étais quelque part un peu étonné. Pourquoi? Parce que Ibn Taymiyyah, il est connu pour sa douceur. Et il dit par exemple au sujet du takfir, au sujet de rendre mécréant une personne, il dit, et certes, vous savez que je suis la personne la plus éloignée de ça. Quand il dit je suis la personne la plus éloignée de ça, c'est bien sûr pour la personne qui n'est pas mécréante. Il ne parle pas de la personne dont la mécréance est prouvée par le Coran, par le Sunna, par la Sunna et par l'Ijma. Non, il parle de la personne sur laquelle il y aurait des doutes ou dont le statut de mécréance ne serait pas clair. Donc il dit quoi, Ibn Taymiyyah, au sujet du Coran? Il dit celui qui cherche la guidance dans autre que le Coran, il est maudit. Celui qui cherche la guidance dans autre que le Coran, il est maudit. Si on réfléchit, que représente le Coran pour nous? La plupart des gens, ils délaissent le Coran. Donc si on a dit, si tu as fait la moitié, si tu cherches la science dans le Coran, on a dit que la science, c'est la moitié du chemin du paradis. Qu'est-ce qui empêche les gens d'aller vers la science dans ce cas-là? Puisque la plupart des gens ne veulent pas apprendre, surtout dans notre époque. Il y a plusieurs choses qui empêchent cela. Parmi les choses, c'est la fainéantise, la perte de temps, l'amour de ce bas monde et beaucoup de choses. Ces choses-là conduisent à quoi? À délaisser le Coran. Et Allah Azza wa Jalla lui a dit dans le Coran, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Allah Azza wa Jalla a dit, c'est une scène qui se passe le jour du jugement dernier. Le prophète dit, oh mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Comme il dit Ibn Kathir dans son tafsir, le fait de délaisser le Coran se fait de plusieurs manières. Tu ne le lis pas, tu ne médites pas dessus, tu ne l'appliques pas. Donc ces manières, elles sont plus ou moins importantes, elles sont plus ou moins graves. Le plus grave, c'est de ne pas le méditer, de ne pas l'appliquer. Puisque le Coran, il a été descendu pourquoi? Pour qu'on le médite et pour qu'on l'applique. Pour qu'on le médite et pour qu'on l'applique. Et regardez, dans le verset que je viens de dire, et que je répète, le prophète, c'est le verset 30 de la sourate 25. Et le prophète a dit, oh mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran ou mon peuple a délaissé ce Coran. C'est une scène, comme je disais, qui se passe le jour du jugement dernier. Et il y a dans ce verset une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Elle est où la preuve? C'est qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons lisaient le Coran, les compagnons mettaient en pratique le Coran, et les compagnons c'était les premiers à mettre en pratique le Coran. Donc il n'y avait pas, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui pouvait entrer dans ce verset. Il n'y avait pas une personne qui délaissait le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe d'une chose, donc qui va se passer le jour du jugement dernier, et qu'on vit maintenant. Aujourd'hui, on voit que le délaissement du Coran, il est partout. Les gens prennent le Coran quand il y a un mort. Les gens lisent le Coran quand il y a un mort, alors qu'il a été descendu pour avertir le cœur des vivants. Donc, ici, le prophète Aslam, donc on disait qu'il y a une preuve que le Coran est véridique. Donc, le fait de ne pas méditer, Allah lui dit quoi? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Coran ou bien ont-ils des cœurs, ont-ils des cadenas sur leur cœur? Donc ici, Ibn Kathir, il dit quoi? Soit tu médites sur le Coran, soit tu auras un cadenas sur ton cœur. Comme ce sont les cœurs qui raisonnent et qui comprennent, si tu as un cadenas sur le cœur, c'est normal que tu ne comprennes rien. Si tu as un cadenas sur le cœur, c'est normal que tu ne comprennes rien. Quelle doit être notre relation avec le Coran? On doit être fier, comme Allah je lui dit, en parlant des croyants, et de cela ils sont contents. Ceci est meilleur de ce qu'ils amassent. Ceci est meilleur de tout ce qu'ils amassent. Le Coran, c'est notre fierté. Le Coran, c'est notre vie d'ici-bas. Le Coran, c'est notre vie de l'au-delà. Notre Coran, c'est notre force. Le Coran, c'est le bien. C'est tout notre bien. Comme Omar ibn Khattab disait, nous sommes un peuple qu'Allah Azzawajal a rendu fort avec l'islam. Après, il dit quoi? Si nous cherchons la puissance dans autre chose que l'islam, Allah Azzawajal va nous humilier. Si nous cherchons la puissance dans autre chose que l'islam, Allah va nous humilier. Et l'humiliation, on la vit aujourd'hui parce qu'on a délaissé le Coran. Comme Omar, un jour, Omar, il rencontre un compagnon et ce compagnon lui dit, j'ai laissé un tel comme imam dans telle ville. Et Omar, à ce moment-là, il était khalif. Il lui a dit, mais comment as-tu laissé un tel? Cet un tel était un esclave. Il lui dit, le compagnon lui dit, certes, je l'ai laissé, car il est le plus connaisseur dans le livre d'Allah. Et alors là, Omar, il lui dit quoi? Il lui dit, certes, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah va élever des gens avec ce Coran comme il va en rabaisser d'autres. Allah, il va élever qui avec ce Coran? Celui qui agit avec le Coran, celui qui médite dessus, celui qui cherche à le pratiquer. Celui-là, Allah va l'élever. Quant à celui qui s'éloigne du Coran, Allah Azza wa Jal va le rabaisser. Comme Allah je lui dit, et quiconque s'éloigne de mon appel vivra une vie pleine de gêne. Une vie pleine de gêne, même s'il a tout ce que les gens souhaitent. Sa vie elle sera pleine de gêne. Il peut avoir de l'argent, il peut avoir de la renommée, il peut avoir ce qu'il peut avoir. S'il n'a pas de foi, cette personne-là, elle vivra une vie pleine de gêne. Imaginons une personne qui a un enfant unique. Son enfant lui est cher. Et un jour, son enfant est capturé par des Chinois, on va dire. Et cette personne n'a plus aucune relation avec son enfant. Sauf que ces Chinois qui ont capturé cet enfant, ils permettent à cet enfant d'écrire à sa mère. Mais les Chinois, ils envoient la lettre en chinois. La mère reçoit cette lettre. À votre avis, elle va faire quoi? Elle peut faire plusieurs choses. Soit elle décide d'aller voir un traducteur. Mais cette mère, tellement elle aime son enfant, elle fait quoi? Elle ne fait pas ça. Elle fait des efforts et elle apprend le chinois de telle sorte à lire par elle-même. Ça, si c'est le cas d'une mère, par exemple, qui aurait perdu son enfant, qui serait coupée de son enfant et qui souhaiterait pouvoir lire et être informée de ce que contient les lettres de son enfant quand elle lui écrit. Quelle doit être notre position à nous, les musulmans? Alors que le Coran, c'est le message d'Allah au Créateur, c'est le message de notre Seigneur, c'est le message du Tout Miséricordieux, c'est le message de celui qui a les plus beaux noms et les plus beaux attributs, c'est le message de celui qui t'a toujours protégé alors que tu ne savais pas. Alors je lui dis quoi? Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tahsuha. Regardez, alors je lui dis quoi? Et si tu comptes le bienfait d'Allah, tu ne pourras pas le dénombrer. Vous allez me dire, il y a un problème dans le verset. Pourquoi tu as dit le bienfait? Et après, tu as dit, tu ne pourras pas les dénombrer. Et si vous regardez la traduction de la plupart des Coran, ils disent quoi? Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah? Mais Allah, ici, il a dit, ni'mata. C'est un singulier. C'est au singulier, c'est pas au pluriel. C'est quoi la sagesse et la beauté de ce verset? Comme ils ont dit les savants, c'est qu'en fait, une seule ni'ama, tu n'es pas capable de dénombrer tous les bienfaits qu'il y a dans cette ni'ama. Par exemple, la ni'ama de la vue, l'œil, il a tout un système très compliqué pour pouvoir fonctionner. Donc cette ni'ama, elle est composée, le fait de voir, elle est composée de plein de bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Donc ici, alors je dis quoi? Et si tu comptes le bienfait d'Allah, tu ne pourrais pas le remercier. Si on ne peut pas dénombrer tous les bienfaits qu'il y a dans un seul bienfait, forcément on ne peut pas les remercier. Parce que moi, si je te donne une enveloppe qui est fermée et je te dis il y a une somme dedans, tu me dis Barakallahu fik akhi, tu me dis des doigts. Mais ici, les doigts, toi tu sais toujours pas il y a combien. Est-ce qu'elles vont être les mêmes les doigts si dans cette enveloppe il y a 1 euro? Ou si quand tu rentres chez toi, je te dis ouvre l'enveloppe et après tu trouves qu'il y avait 10 000 euros dans l'enveloppe. Là, tu vas m'appeler, tu vas faire Qiyam Lil en me faisant des doigts peut-être. Donc, Walillahi al-Mathalul A'la. Walillahi al-Mathalul A'la. Et Allah appartient le plus haut exemple. Alors, Jules, on ne peut pas dénombrer ses bienfaits. On ne peut pas dénombrer ses bienfaits. Donc ici, nous, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est vivre avec ce message, vivre avec ce Coran. Notre situation qui serait malade. Et ce malade-là, il a une maladie grave. Et sa maladie, elle peut devenir grave jusqu'à le tuer. Et cette personne ne connaît rien en médecine. Et elle a quoi? Elle a une dizaine de docteurs qui viennent le voir. Simplement, parmi ces docteurs, on dit qu'il y a une personne qui n'est pas docteur, mais qui vient voir cette personne malade et qui dit, tu sais, sur ces 10 docteurs que tu as, on m'a informé qu'il y en avait 7 qui étaient incompétents ou qui étaient de mauvais conseillers. Ça veut dire que ces 7-là, quand ils vont te donner le remède pour ta maladie, ta maladie, elle risque de s'aggraver, mais bien plus que ça, ta maladie, peut-être que tu vas finir par mourir. Donc ici, la personne, elle a quoi? Sur 10 médecins, 7 qui sont incompétents ou qui sont des mauvais conseillers et 3 qui sont compétents. Elle va faire quoi si elle a peur de mourir? Eh bien, elle va étudier un minimum la médecine. Pas pour devenir médecin, mais elle va étudier un minimum la médecine pour pouvoir être à même de lire ce que chaque médecin peut proposer par rapport aux médicaments et après elle fera son choix en connaissance de cause. Ici, bien sûr, comme vous l'aurez compris, je crois, l'exemple c'est quoi? C'est notre situation à nous. Nous, on ne va pas devenir savants. Alhamdoulilah, s'il y en a qui deviennent savants, alhamdoulilah. Mais on doit avoir un minimum de science. On doit avoir un minimum de science pour pouvoir savoir qui est qui. Et pour pouvoir savoir qui appelle à qui. Ce minimum de science, si on le résume, il est résumé dans la shahadatain. Il est résumé dans les 2 témoignages de foi. Le minimum qu'on doit avoir au niveau de la science, donc au niveau de Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Ici, le minimum de science que tu dois avoir, c'est quoi? C'est le minimum de science du tawhid qui t'éloigne du shirk. Quant à Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, le minimum de science que tu dois avoir, c'est une connaissance de la sunna qui t'éloigne de l'innovation. Donc si on résume, le minimum de science qui te permet d'appliquer le tawhid et de t'éloigner du shirk, et un minimum de science qui te permet d'appliquer la sunna et de t'éloigner de la bida. Si tu as cette science, comme on a dit, tu as la moitié du paradis. L'autre moitié, il ne te restera plus qu'à appliquer cette science-là. Et si tu as cette science-là et tu l'appliques, Inch'Allah, tu fais partie des gens du paradis. Aujourd'hui, si on demande à la plupart des gens d'expliquer un verset du Coran, non pas de leur tête, mais quelque chose, un verset, un tafsir qu'ils auraient lu, ou bien qu'ils auraient entendu, Combien d'entre nous, mes frères, mes sœurs, pourraient donner? Combien de versets tu pourrais donner, toi, mon frère? Combien de versets tu pourrais donner, ma sœur? 1, 5, 10, 15, combien? Et sur quel sujet? Ici, tous les exemples que j'ai donnés avant, c'est pour nous faire prendre conscience de quoi? De l'importance de la science. Aujourd'hui, on n'a que deux possibilités. Soit, alhamdoulilah, si tu fais partie des gens qui apprennent, continue à apprendre et transmets. Si aujourd'hui tu n'apprends pas, alors mets-toi à apprendre. Parce que l'une des principales causes pour lesquelles les gens vont aller en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas appris. Et c'est une honte pour nous, dans la tombe quand ils viennent, les anges, et ils te demandent quelle est ta religion, quel est ton Seigneur, et quel est cet homme qui t'a envoyé. Le croyant, Allah l'assiste, il répond, mon Seigneur, c'est Allah, ma religion, c'est l'islam. Quant à mon prophète, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il y a une autre chose qui n'est pas connue souvent, c'est que les anges, ils demandent à ce croyant, comment as-tu su? Ça veut dire que les anges ici, c'est comme si ils n'étaient pas satisfaits de la réponse donnée. Donc ils disent au croyant, bien qu'il ait donné les bonnes réponses, ils lui disent, comment as-tu su? Comment as-tu su ces réponses que tu viens de donner? Et ici, le croyant, il dit quoi? J'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru. Le croyant, il dit quoi? J'ai lu le livre d'Allah et j'ai cru. Donc on voit qu'il a pris la base et la source de sa science et la source de sa religion dans la connaissance du Coran. Cheikh Mohamed Abdelwahab, rahimahullah, il dit quoi? Dans l'Usul Sitta, dans les six fondements, il parle, il dit au niveau du sixième fondement, il dit, et parmi les ambiguïtés que Shaitan a lancées aux gens, regardez, subhanallah, il a dit ça il y a 300 ans, c'est comme s'il disait aujourd'hui. Et il dit, parmi les ambiguïtés que Shaitan lance sur les gens, c'est de leur faire croire qu'ils ne peuvent pas comprendre le Coran. Et que seul mujtahid, seul celui qui a atteint un certain niveau dans la science, et après il dit comme qui? Il dit comme Abu Bakr ou Omar. Excusez-moi, il dit seul un mujtahid que Abu Bakr ou Omar, sur certaines questions, n'aurait pas atteint ce niveau-là, pourrait comprendre le Coran. Après, il dit quoi, Mohamed Abou Haib? Il dit quoi? Il dit, alors, dans ce cas-là, ben, c'est de la folie de chercher la guidance dans le Coran. Il dit, alors, dans ce cas-là, c'est de la folie de chercher de la guidance dans le Coran. Parce que s'il ne peut comprendre le Coran que celui qui a atteint ce niveau-là, ça veut dire que quand tu essaies d'être guidé par le Coran, tu es fou puisque tu essaies de faire une chose qui n'est pas à ton niveau. Et ça, en vérité, ça revient à quoi? Avoir une mauvaise opinion sur Allah. De croire que dans le Coran ne peut pas être compris. Ibn Qayyim, il dit quoi? La base de tous les péchés, c'est une parole en or qu'il dit. Il dit la base de tous les péchés, c'est la mauvaise opinion sur Allah. C'est quoi la mauvaise opinion sur Allah? C'est quand tu penses sur Allah ce qui ne convient pas à Allah. Subhana. C'est quand tu penses sur Allah ce qui ne convient pas à Allah. Et ici, de croire que dans le message d'Allah, que dans la parole d'Allah, que dans le Coran, il n'y a pas une guidance pour les personnes, quel que soit leur niveau intellectuel, ici c'est de la mauvaise opinion sur Allah. Si on croit que seule la personne qui a un bac plus je sais pas combien, ou qui a étudié 50 ans, seule elle peut comprendre le Coran, ici c'est une mauvaise opinion sur Allah Azzawajal. À savoir que, comme Allah Azzawajal l'a dit, sourate 3, verset 7, c'est lui qui a fait descendre le livre dans lequel il y a des versets qui sont clairs. Ceux-là sont la base du livre. Ceux-là sont la base du livre. Donc les versets qui sont clairs et qui sont la base du livre sont compréhensibles par toute personne qui comprend la langue. Ces versets, c'est quoi? C'est les versets qui parlent bien sûr du tawhid et du shirk ou de faire la prière. Ainsi, le jour du jugement dernier, personne ne peut arriver et donner comme excuse en disant à Allah Azzawajal, j'ai été égaré parce que j'ai pas pu comprendre ta parole. Non, cette excuse, elle peut pas être donnée. Parce qu'Allah Azzawajal, il a expliqué les choses d'une manière claire. Comme il dit Mohamed Awad, quand il citait l'exemple que j'ai donné auparavant, il disait, même que les awam peuvent comprendre. Toute personne peut comprendre. Si Allah Azzawajal, par exemple, il dit, et certes, le jugement n'appartient qu'à Allah, il vous a ordonné de n'adorer que lui. Ceci est la religion de droiture. Ici, c'est simple. C'est simple à comprendre. Regardez, Allah Azzawajal, il a dit quoi après? Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc ici, Allah Azzawajal, il a dit la plupart des gens ne savent pas. Mais, hacha lillah, ici, C'est la faute des gens, c'est pas la faute d'Allah. Allah Azzawajal, il est miséricordieux. Allah Azzawajal, il est clair. Donc quand on connaît Allah avec ses noms et ses attributs, Allah c'est Al-Alim, l'omniscient. Allah c'est quoi? Al-Qadir, le capable, capable sur toute chose. Allah c'est Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah Azzawajal est plus miséricordieux que nous, que notre propre mère envers nous, même que nous envers nous-mêmes. Est-ce qu'on peut penser de celui qui a ses attributs élevés, de celui qui a les attributs de perfection dans tous les côtés, qui est parfait d'une perfection parfaite, est-ce qu'on peut penser qu'Allah Azzawajal, celui qui a toutes ses attributs de perfection, il va te renvoyer un message, et ce message, tu ne peux pas le comprendre. Et ce message, il y a des choses cachées, comme disent les soufis, ou comme disent certains qui ne sont pas soufis, mais qui disent la même chose que les soufis. Ça, c'est parmi les bienfaits de la science. Parmi les bienfaits de la science aussi, c'est de s'éloigner des péchés, de ne pas faire de péché. Comme Allah je lui dis quoi? Et certes, Allah accepte le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui demandent pardon de manière proche. Ici, comment les compagnons ont expliqué ce verset? Les compagnons ont expliqué ce verset en disant que toute personne qui désobéit à Allah ne connaît pas Allah. Ça, c'est pour la parole où Allah dit, et certes, Allah accepte le repentir de toute personne qui fait le mal par ignorance. Donc les compagnons ont dit, toute personne qui fait le mal, qui désobéit à Allah ne connaît pas Allah. Quant à sa parole à Allah Azzawajal, dans le sens français, et qui demande pardon de manière proche, ici les compagnons ont dit, toute personne qui demande pardon avant la mort a certes demandé pardon de manière proche. Parmi les bienfaits aussi de la science, c'est d'aimer Allah, de craindre, de le craindre et de l'espérer. Et ceci est impossible quand tu ne le connais pas. Ici, si la connaissance se résume simplement en la seigneurie, c'est-à-dire qu'Allah c'est le créateur de toutes choses, celui qui gère toutes choses, celui qui possède toutes choses, celui qui donne la subsistance, si la connaissance des gens ne se résume qu'à ça, alors ici même les chrétiens et les juifs ont cette connaissance. Et même les mécréants de Quraysh avaient cette connaissance. C'est pas cette connaissance ici qui permet d'avoir l'amour d'Allah Azzawajal, la crainte et l'espoir. Non, c'est la connaissance d'Allah par ses noms et ses attributs. La connaissance d'Allah par ses noms et ses attributs, de même que de méditer sur le Coran et de méditer sur la Sunna, sur la vie du prophète Hassan, et de méditer sur la religion de manière générale. La science aussi, elle te permet de sortir de l'insouciance. Comment? C'est que plus tu étudies et plus tu te rends compte des dangers. Plus tu étudies et plus tu te rends compte des dangers. Comme le compagnon disait au prophète, il a dit au prophète, ça y est, j'ai l'imen, j'ai l'yaqin. Le prophète, il lui a dit, certes, chaque parole a une réalité. Quelle est la réalité de ta parole? Et là, le compagnon lui a dit, c'est comme si je voyais les gens sortir de leur tombe, je vois le paradis ou l'enfer. Ou comme disait Abou Bakr Siddiq, si on m'enlève le voile de l'invisible, alors ça ne changerait rien sur ma foi. C'est-à-dire qu'il avait une foi tellement, tellement élevée qu'il voyait les choses. Donc, parmi les bienfaits de la science, c'est elle permet de sortir de l'insouciance. Comment? En te permettant de faire des comptes. Quand tu vas connaître la puissance d'Allah Azzawajal, quand tu vas te rendre compte de la faiblesse et de la vilité de ton âme, quand tu vas te rendre compte que les adorations, tu les fais pas comme il faut, et tout ça, c'est la science qui va te l'apporter, tu vas commencer à te remettre en question. Et si le fait que tu te remettes en question, ça va te permettre, inshallah, de sortir de l'insouciance. De même que parmi les bienfaits de la science, c'est d'être ferme. C'est d'être ferme. D'être ferme et de ne pas douter. Pourquoi? Parce que ta religion, tu l'as puisée avec les deux sources qui sont le Coran et la Sunna, avec la compréhension des premières générations, et tu as étudié, et les ambiguïtés ne peuvent pas venir. Comme Allah lui dit dans le Coran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. ne méditent pas le Coran, s'ils venaient d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé certes beaucoup de contradictions. Certes, Allah Azzawajal est le parfait de tous les côtés, et donc Allah Azzawajal, ici, il t'invite dans ce verset à méditer sur le Coran, et quand tu médites, tu sais, et plus tu médites, et plus tu sais que ce Coran, il vient d'Allah, parce que un autre qu'Allah, forcément, fait des fautes. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, quand il terminait un livre, il disait, certes, je sais que mon livre n'est pas exempt de fautes. Et on lui disait pourquoi? On lui disait parce que il se servait du verset qu'on a dit. Ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il venait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient, certes, beaucoup de contradictions. Parmi aussi le bienfait donc de la science, c'est d'être clairvoyant et d'être ferme au niveau de la prêche. Comme il dit, Ibn Taymiyyah, les héritiers des messagers et des prophètes sont ceux qui ont accompli la religion en termes de science, action et prêche. Et il dit, donc regardez, il a cité trois caractéristiques, les héritiers des prophètes, c'est pas seulement ceux qui ont la science, mais c'est ceux qui ont la science et qui l'ont accompli. Et après c'est fini? Non, ils ont accompli et ils ont prêché en cela. Donc il a donné trois principales caractéristiques. Ils ont la science, cette science, elle a donné des fruits qui sont l'action, et en plus, ils appellent autres à cette science, ils prêchent. Après, il dit, ceux-là sont les véritables suiveurs des messagers, et ils ressemblent à la bonne parcelle de terre purifiée qui a accepté l'eau et fait sortir beaucoup d'herbes. Donc là, cette terre dont il parle, elle est pure en elle-même, et elle est pure pour les gens. Donc ces savants-là dont il parle, il dit quoi après? Ils ont regroupé entre la clairvoyance dans la religion et la force dans la prêche. C'est pour ça qu'ils sont les héritiers des prophètes. Donc la force, c'est la force dans l'ordre d'Allah, dans les ordres d'Allah. Quant à la clairvoyance, c'est la clairvoyance dans la religion d'Allah. Al-Shatibi dit, elle n'est pas recherchée pour elle-même, mais c'est un moyen d'agir. Après, il dit, et tous les bienfaits rapportés au sujet de la science ne se concrétise que pour la personne qui agit. Ne se concrétise que quoi? Que pour la personne qui agit. Parmi aussi les bienfaits, c'est qu'on voit dans l'histoire d'Adam alayhi salam, quand Allah je lui dit quoi? Quand Allah lui a dit, Allah a dit, oh Adam, informe-moi des noms. Et après Allah je lui a appris les noms aux anges, après les avoir présentés aux anges. Donc Allah a ordonné à Adam d'apprendre aux anges les noms, après les avoir présentés aux anges. Afin que ces anges-là sachent que Adam est plus savant qu'eux. Et en fait Adam, alayhi salam, ce qui fait qu'il était supérieur aux anges, c'est quoi? C'est par la science. Allah les a devancés sur eux par la science. C'est pour ça que, après Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Donc, il y a dans ce verset qu'on vient de dire une preuve de l'importance de la science. De même qu'Allah, je le dis, certes, Allah, ainsi que les anges, ainsi que les savants, témoignent quoi? Que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Ici, Ibn Qayyim, il dit quoi? Il rapporte cinq bienfaits par rapport à ce verset et il dit, Allah a cité, donc a cité ces savants là, et il n'a pas cité d'autres catégories d'êtres humains. Deuxième chose, Allah a lié son attestation à la leur. Troisième chose, il a lié l'attestation de ces savants à l'attestation des anges. Quatrième chose, Allah les a purifiés et attestés de leur justice. Comment ça? Car en fait, Allah les a pris en témoin. Et Allah ne peut prendre en témoin que les gens justes. Cinquième chose, Allah a cité, et Allah est le plus grand des témoins, et il a pris comme meilleure créature, donc les anges, et quand même comme meilleure créature parmi les êtres humains, les savants. Comme Qurtubi dit, ici il y a une preuve du mérite des savants. Et certes, s'il y avait plus méritant qu'eux, Allah les aurait loués. Allah les aurait loués. Comme il dit Ibn Qayyim au sujet de Sourate Al-Asr, il dit quoi? Donc Allah Azzawajal a juré par le temps que l'être humain est en perdition. Ensuite, il a sorti de cette perdition une catégorie de personnes qui ont quatre choses. C'est quoi ces quatre choses? Sauf ceux qui ont cru, qui ont fait des bonnes actions et qui se sont encouragés à patienter dans la vérité et qui se sont encouragés à patienter. Ibn al-Qayyim, il dit quoi? Il dit, comme l'être humain ne se complète qu'avec deux choses, il a dit, par la science bénéfique et par la bonne action. Donc ici, une fois qu'il s'est complété après Ibn al-Qayyim, il complète autre que lui en les appelant dans cette vérité et en patientant dans le mal qu'il peut avoir dans cela. Et il dit, en ayant fait tout ça, ça devient un rabbani, c'est-à-dire comme un savant éducateur. Et après, il dit quoi, Ibn al-Qayyim? Il dit, et c'est pour ça que le serviteur doit rechercher la science. Après, il dit même, il doit passer le plus cher de ses instants à rechercher la science. De même qu'Allah Azza wa Jalla a dit, et il a commencé quoi? Donc ici, juste on revient sur le Sourate Al-Asr, si on médite un peu dessus, on va se rendre compte que ce qui fait que les êtres humains sont en perdition, c'est l'utilisation qu'ils font de leur temps. Puisque ceux qui sont sortis de la perdition, ils ont utilisé leur temps en faisant quatre choses. La première, c'est en apprenant. La deuxième, en réalisant. Quand ils ont appris, ils ont transformé cette science en action. La troisième, c'est en patientant, en appelant. Et la quatrième, c'est en faisant preuve de patience. Et en vérité, toutes ces choses-là rentrent dans l'iman dans le premier point. Toutes ces choses-là rentrent dans l'iman dans le premier point. Et si vous méditez, toutes ces choses-là aussi demandent de la science. C'est pour ça que Moussa, alayhi salam, quand il a rencontré le serviteur pieux, certains disent que c'est un prophète, d'autres, les savants ont divergé, il y en a, ils ont dit c'est un prophète, il y en a, ils ont dit c'est un serviteur pieux. L'histoire, elle est racontée dans Sourate Al-Kahf. Il lui a dit quoi, ce serviteur pieux qui avait de la science? Regardez comment Moussa d'abord s'est précipité pour aller apprendre. Alors qu'il fait partie de Ulul Azm, des cinq prophètes, les meilleurs prophètes, qui sont doués d'une grande volonté. Il s'est pas dit non, moi je suis un prophète, je veux pas apprendre chez cette personne. Non, au contraire, quand il a vu qu'il pouvait apprendre, il est parti. Et il a demandé avec bon comportement à cette personne de la suivre. Mais cette personne, au début, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, tu ne pourras pas patienter. Et après, elle a donné la raison de cela. Elle a dit, comment vas-tu patienter sur une chose dont tu n'as pas connaissance? Donc ici, on voit que la science, elle t'aide à patienter. Puisque les gens ne font les choses que par rapport au bien qu'ils pensent avoir dans cette chose ou pour s'éloigner d'un mal. Donc ici, quand les musulmans, ils se lèvent à la prière du Fajr, notamment quand c'est tôt, quand c'est à 5 heures, quand c'est à 4 heures, comme ça, et qu'ils se lèvent, ici ils se lèvent parce qu'ils savent. Ils savent quoi? Ils savent qu'il y a un jour du jugement dernier, ils savent qu'il y a le paradis, ils savent qu'il y a l'enfer. Donc ici, plus la science elle est importante dans le cœur du serviteur, et plus ça l'aide à patienter dans les choses, plus ça l'aide à patienter. Donc, quant à ceux qui n'ont pas appris, eh bien, ils restent dans la première partie du verset. C'est pour ça que ici, pour sortir de la perdition, le premier pas, c'est d'apprendre. Peut-être, vous pouvez me dire, mais quelle est la relation? Allah, il a dit, illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont eu l'iman. Et elle est où la science là-dedans? La science, la réponse à cela, c'est que la science, elle est dans l'iman. Car la science, tu ne peux pas avoir d'iman sans science. Tu peux avoir de la science sans iman, mais tu ne peux pas avoir de la science sans iman. Tout musulman, toute musulmane, elle a un minimum de science. Ce minimum de science, c'est qu'elle sait qu'Allah Azzawajal est unique. Qul huwallahu ahad. Donc elle a un minimum de science. D'accord? Donc la science ici, elle t'aide à patienter. La science, elle t'aide, si on reprend dans l'ordre, la science, elle t'aide à faire des bonnes actions. D'accord? Par exemple, regardez, prophète Sassoum, il nous informe que la personne, quand elle est dans sa tombe, la personne qui a une bonne fin, qui est croyante, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux, dès qu'elle meurt, il y a un homme qui est beau et qui vient la voir. Et le croyant lui dit, mais qui es-tu, toi qui inspires la bonne nouvelle? Il voit cet homme qui a une belle barbe, qui est beau, et il lui dit quoi? Et cet homme, il lui dit, je suis tes bonnes actions. Regardez comment les bonnes actions, elles se sont matérialisées dans ta tombe. Elles se sont matérialisées dans ta tombe. De même que celui, le mécréant, il voit dans sa tombe une personne, t'as pas envie de la regarder, elle sent mauvais, elle a toutes les mauvaises qualités. Et il lui dit, tu es qui, toi qui inspires le dégoût? Et il lui dit, je suis tes mauvaises actions. Donc ici, regardez, ça c'est une science ou pas? Non, c'est une science. Est-ce que ça aide ou pas? Non, ça aide, parce que si quand tu vas faire deux unités de prière, tu penses à ça, et tu penses que ces deux unités de prière, ça va être quoi? Ça va être quelque chose dans ta tombe qui va être bien. Et bien tu les fais avec plus de, avec plus d'envie. La science, elle te permet d'être heureux, elle te permet tout. Quand tu vas lire le Fatiha, tu vas savoir ce que tu dis. Ton cœur, il va à quoi? Il va être présent. Ton cœur, il va être présent. Tu vas faire la prière comme Allah Azzawajal, il t'a demandé de la faire avec concentration. Et quand tu vas la faire avec concentration, eh bien, cette prière, elle va t'aider dans la vie. Cette prière, ça va être quoi? Ça va être une lumière. Cette prière, ça va être quoi? Ça va être la force qui va t'aider à supporter toutes les autres épreuves. Inch'Allah, il y en a encore beaucoup à dire sur la science. Et on peut dire aussi, parmi les choses de la science, c'est tout simplement, c'est qu'elle t'aide et elle réforme ton cœur et elle t'aide à être bien. Regardez, dans la sourate Al-Asr, on disait quoi? Que les gens, ils sont classés en deux. Ceux qui ont passé leur temps sur des choses qui ne sont pas bénéfiques sur eux, et ceux qui ont passé leur temps pour des choses qui sont bénéfiques pour eux. Ceux qui ont passé du temps pour des choses bénéfiques pour eux, ici par exemple, nous, avec ce modeste rappel, eh bien, Inch'Allah, on s'est rapproché d'Allah. Et ici, si on veut faire d'autres actes d'obéissance, après que ce rappel soit terminé, vous allez voir qu'ils vont avoir un autre goût. Si on fait par exemple, on va, dès que le rappel est terminé, on fait deux, on fait nos ablutions, on essaie de se concentrer pour les faire. Et après, on fait directement la prière, on essaie de se concentrer dans les versets, on les fait correctement, vous allez voir que cette prière a un goût. Pourquoi? C'est quoi le secret de ça? C'est que ici, juste avant, tu étais dans des obéissances. Donc tu étais dans la science et dans des obéissances. Et ces obéissances, elles influent directement ton cœur et elles aident ton cœur. Et quand tu vas derrière, tu vas quoi? Tu fais donc la prière avec plus de concentration. Comme l'Azoui il dit quoi? Et si vous êtes reconnaissant, nous allons vous rajouter. Ici, comme ils ont expliqué, c'est quoi? Vous reconnaissant dans quoi? Nous allons vous rajouter quoi? Si vous êtes reconnaissant dans la foi, nous allons vous rajouter de la foi. Si tu fais des obéissances, Allah joue avec ses obéissances, il te rajoute de l'obéissance. Voilà. Inch'Allah, comme je disais, il y en a encore beaucoup à dire. Et on va arrêter là, Inch'Allah. La semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera dans l'explication du livre. Et Inch'Allah, on donnera les avantages et les bienfaits d'apprendre l'iman, les dangers de ne pas l'apprendre. Inch'Allah, on commencera dans le livre. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على رسول الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله إن شاء الله aussi dernière chose avant que je finisse إن شاء الله juste je vous invite à passer une bonne semaine et faites des choses qui soient profitables pour votre dernière vie. Faites-vous un programme, essayez de dire cette semaine je vais faire la prière à l'heure à la mosquée, je vais lire plus de Coran pour ceux qui ont délaissé le Coran, je vais faire des actions en plus, je vais essayer d'inviter un tel qui je vais essayer d'envoyer, je ne sais pas moi, donner une cassette à une personne, je vais essayer de donner un livre pour prêcher, essayer de faire des actions. Inch'Allah, vous allez voir que ça va avoir des influences directement sur votre cœur. Et aussi, autre chose, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui appelle à un bien a la même récompense. Dans un autre hadith, il dit, il a dit à Ali, qu'Allah guide par ta cause une seule personne, cela est mieux pour toi que les chameaux rouges. Donc, Inch'Allah, essayez d'amener une ou deux personnes. Inch'Allah, on aura tous la récompense partagée pour la semaine prochaine, je disais. Voilà. Wa barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.